2025-1525, le Blutenfeld, le chant du sang, de Clémentine Pacherie, lu par Clémentine pour audiocité.net. Étienne est conteur dans notre localité. Il organise des balades touristiques au cours desquelles il raconte l'histoire du lieu visité. Ce jour-là, nous nous sommes croisés et avons échangé quelques mots. Il me fit part de l'émotion qui avait saisi le groupe alors qu'il terminait de raconter ce qui s'était produit il y a bien longtemps dans le pré où il se trouvait. Si mai et juin sont traditionnellement des moments de commémoration d'événements somme toute pas si lointains et qu'il est important de ne pas oublier, qui se souvient de ce qui s'est produit 500 ans auparavant, là où se trouvait le groupe? De cela aussi il faut se souvenir, le découvrir pour nombre d'entre nous. En 1525, donc, le 20 mai, éclata une révolte à laquelle peu s'attendaient. Comme l'avait fait remarquer un prêtre dans l'un de ses prêches, présentant un œuf à ses ouailles, « Aux nobles, le jaune d'œuf, aux clergés, le blanc, aux paysans, il ne reste que la coquille. » Ceux que l'on appelait encore les gueux étaient accablés de contributions, de corvées de toutes sortes, et ce ne sont pas les nobles qui étaient les plus rapaces. Une grande part des curés, des moines, des religieux en général, prélevaient plus que largement ce qu'ils estimaient leur revenir, de sorte que ceux qui à grand-peine produisaient se voyaient pillés par ceux qui leur imposaient leurs lois. Des châtiments cruels, voire la mort, attendaient celles et ceux qui osaient se rebeller. Leur famille était rejetée, livrée à la misère. Action facile avec des gens simples, illettrés, conditionnés à faire le dos rond et à recevoir comme parole d'évangile celle de certains membres du clergé qui usaient de la menace de l'enfer pour faire plier les récalcitrants. Rien d'étonnant donc qu'un jour il y eut l'exigence, la menace de trop, conduisant à la révolte qui grondait depuis un long moment. Pour donner du corps à son récit, Étienne raconta une histoire de son cru. Avant d'entamer sa narration, il demanda à chaque participant de cueillir un brin d'herbe et de le tenir dans le creux de sa main. Voici le conte qu'il livra. Dans ce petit village alsacien, blotti à l'ombre des châteaux de Lortenbourg et du Ramstein, dressé sur la montagne, on raconte depuis très longtemps l'histoire terrible du champ du sang, du Blutenfeld. À une époque lointaine, dans ce village comme dans toutes les campagnes, des paysans innombrables, éprouvés par les travaux des champs, courbaient les chines devant les exigences des seigneurs et des religieux. Pauvres, affamés à force de devoir payer moult impôts, ils luttaient chaque jour pour faire vivre leur maisonnée. Dans ce village, vivant d'un quignon de pain ou parfois par hasard d'un petit morceau de lard que lui donnaient par pitié les habitants, une vieille femme toute décharnée promenait chaque jour au bout d'une corde une chèvre noire tout aussi maigre qu'elle. Elle traversait le village, proférant des propos bizarres, chantonnant des ritournelles incompréhensibles qui faisaient sourire les passants. Tout le monde la connaissait, la vieille Lucie. Un peu simplette, disait-on, mais pas méchante. Tous s'amusaient de la voir discuter en marchant avec sa chèvre, faisant questions et réponses. Cette année-là, un jour de printemps où les oiseaux chantaient une aubade au soleil, on la vit revenir en toute hâte des champs, traînant toujours sa chèvre et criant à travers la grand-rue, Quand dans les champs la sève deviendra sang, ce sera la mort des paysans. » Un chaud mois de mai arriva. Chaque jour, revenant affolée des champs, la vieille Lucie s'écriait en traversant le village : « Quand dans les champs la sève deviendra sang, ce sera la mort des paysans. » Les villageois commencèrent à se moquer d'elle, à la traiter de vieille folle et parfois à lui lancer un bout de bois plutôt qu'un bout de pain quand elle tendait la main. Un matin, deux garnements suivirent la vieille Lucie qui, comme chaque jour, allait dans les champs près de la rivière. Et pendant que sa chèvre broutait, ils la virent remuer l'herbe du bout de son bâton en marmonnant « Toujours pas de sang, toujours pas de sang. » Retournant au village, sous les rires des passants, elle cria à nouveau « Quand dans les champs la sève deviendra sang, ce sera la mort des paysans. » Le lendemain matin, décidée de faire une bonne farce à cette vieille folle qui amusait tout le village, deux garnements armés de leurs frondes tuèrent d'une pierre un oiseau perché sur la branche d'un arbre voisin. Ils firent couler son sang dans un pré à un endroit où passait toujours la vieille Lucie. Puis ils se cachèrent pour la voir arriver. Tirant toujours sa chèvre à qui elle contait d'incroyables histoires, son gros bâton à la main, Lucie arriva dans le pré, remua l'herbe et soudain s'écria « Du sang ! Du sang ! Maintenant un grand malheur arrivera !» En toute hâte, elle rejoignit le village en hurlant « Fuyez, pauvre fou ! Fuyez ! La sève est devenue sang ! Fuyez ! Fuyez ou vous mourrez !» Derrière elle, cachés derrière un muret, les deux garnements, contents de leur farce, riaient. Les villageois se moquèrent tous de cette vieille qui traversait le village tout affolée. Ils la virent rentrer dans sa masure et ressortir aussitôt avec ses quelques hardes dans un sac de toile et reprendre son bâton. Tirant toujours derrière elle sa chèvre, elle s'enfuit du village à toutes jambes en hurlant « Fuyez ! Fuyez où la mort vous attend !» Ce soir-là, dans toutes les chaumières, tout le monde riait encore, se moquant de cette vieille folle, surtout ceux qui avaient appris la farce des deux garnements. Mais le jour d'après, le 20 mai, le village fut réveillé par un vent fort, très chaud, inhabituel, un vent chargé d'odeurs bizarres et surtout d'une rumeur, comme si une armée de gueux épris de justice clamait à la terre entière son désir de liberté. C'est ce jour-là, alors que le soleil descendait entre les deux châteaux dressés sur la montagne, dans un champ en contrebas, près du Gießen, que des milliers d'hommes, de femmes et d'enfanceaux, milliers de pauvres gueux, de paysans affamés combattirent pour leur liberté et périrent sous les coups de la soldatesque à la solde du duc de Lorraine. Le vacarme de la bataille, les hurlements des blessés, l'odeur de l'incendie d'une partie du village et la peur des villageois resta longtemps dans la mémoire des habitants de Chervillers. Des années plus tard, un de ces deux garnements, devenu un vieillard, retourna à Palan dans ce champ le jour anniversaire de cette horrible bataille en repensant à cette vieille femme dont il s'était moqué et qui pourtant avait bien dit la vérité. Tout en marchant, il se rappela ce qu'elle avait prophétisé. « Quand dans les champs la sève deviendra sang, ce sera la mort des paysans. » Arrivé sur le lieu du massacre, il cueillit un brin d'herbe et le porta au-dessus de sa paume ouverte. Il fut stupéfait de voir que ce n'était point de la sève, mais bien du sang, le sang de tous ces innocents, hommes, femmes et enfants sots, qui ont péri ce jour-là en défendant leur liberté. Et il pleura, pleura longtemps, en pensant à la vieille Lucie et surtout à toutes celles et ceux qui sont morts en ce funeste jour du 20 mai 1525, espérant que leur descendance vivrait dans un monde plus juste. C'est depuis que cet homme, toute sa descendance et de nombreux villageois appellent ce champ maudit le Blutenfeld. Passant, si vous venez dans ce champ le jour anniversaire de cette terrible bataille, cueillez un brin d'herbe en mémoire de ceux qui n'ont pu vivre libres, mais sont morts pour que justice soit rendue. Que ce soit de la sève, du sang ou vos larmes qui coulent dans le creux de vos mains, n'oubliez jamais ces combattants de la liberté épris de justice. Un long silence suivit la fin de l'histoire. L'émotion était palpable. Ils s'en retournèrent, silencieux d'abord, puis commencèrent à échanger leurs impressions et à poser des questions à Étienne qui les orienta vers un ouvrage publié récemment, extrêmement documenté et bien écrit, concernant le thème de la guerre des Gueux en Alsace-Moselle et la période abordée. Ici se termine 2025-1525, le Blutenfeld, le champ du sang, juillet 2025, avec l'aimable autorisation d'Étienne Brandt de citer son compte.